Numéro 46. 30. 30. 40. 40. 50. 50. 60. 60. 70. 70. 80. 80. 90. 90. 100. 100. 101. 101. 110. 110. 1000. 1000. 10 000. 1 000. 20 000. 2 000. 100 000. 10 000. 1 000 000. 100 000. 0,5. 0,5. 2,3. 2,3. 8%. 8%. Un tiers. 1/3. 0. 0. 0.